Chapitre 4. La mésaventure du petit Bill. Alice, qui attendait le rat, fut bien étonnée de voir apparaître tout à coup le lapin blanc. Car c'était notre ami Jeannot, en effet, qui s'en revenait à pas craintifs, l'air anxieux, cherchant à droite, à gauche, quelque chose qu'il semblait désolé de ne pas trouver. Il murmurait. « La duchesse, oh la duchesse, oh mes chères pattes, oh ma fourrure et mes belles moustaches, elle me fera couper le cou aussi sûr qu'un furet est un furet. Mais où ai-je donc bien pu perdre ces indispensables objets ?» Alice comprit qu'il cherchait son éventail et ses gants, et poussée par son bon naturel, elle se mit à les chercher aussi. Mais tout semblait changé depuis l'inondation. La grande galerie avec sa table de verre avait disparu, et tout autour de la mare s'étendait une campagne lilliputienne, avec, çà et là, de petites maisonnettes pas beaucoup plus grandes que les bergeries d'une boîte de joujoux. Dès que le lapin aperçut Alice, il se mit à crier avec colère. « Eh bien, Marianne, qu'est-ce que vous faites là ? Allez tout de suite à la maison et trouvez-moi une paire de gants et un éventail. Allons, dépêchez-vous. » « Il me prend pour sa bonne, » se dit Alice très effrayée, car le lapin était à présent plus gros qu'elle. « Je n'ai qu'à obéir et à aller lui chercher son éventail et ses gants. » Et elle courut du côté que lui indiquait maître Jeannot. Elle arriva devant une jolie petite maison. Sur la porte était une plaque de cuivre portant ce nom, J. B. Lapin. Elle entra sans frapper, monta très vite l'escalier et se trouva dans une petite chambre fort bien rangée. Sur un guéridon, elle aperçut une paire de gants blancs et un éventail. Elle les prit et en fit un petit paquet tout en pensant « C'est égal, c'est tout de même bien drôle de faire des commissions pour un lapin. » C'est comme si Dinah me faisait surveiller les trous de souris pendant qu'elle chasse au grenier. Elle allait se retirer quand ses regards s'arrêtèrent sur une bouteille posée là dans un coin. Il n'y avait pas cette fois « buvez-moi », mais Alice n'en déboucha pas moins la bouteille et la porta bravement à ses lèvres. « Il arrivera toujours bien quelque chose d'intéressant, » se dit-elle, « et il en sera de même chaque fois que je mangerai ou que je boirai par ici. Voyons l'effet de ce liquide. J'espère qu'il va me faire de nouveau grandir, car je suis fatiguée vraiment d'être réduite à une taille aussi exiguë. » Alice grandit en effet, mais peut-être un peu plus qu'elle ne l'eût souhaité, car sa tête alla heurter le plafond de la pièce si rudement qu'elle pensa en avoir le crâne brisé. « Oh, oh, voilà qui est suffisant, » dit-elle. « Déjà, avec cette taille, je ne pourrai plus passer par la porte. Je regrette d'avoir bu à cette bouteille. » Elle n'était pas au bout de ses regrets. Le liquide continua à opérer, et Alice atteignit bientôt des proportions effrayantes. Elle se mit sur les genoux, puis se coucha sur le dos, puis se recroquevilla. À elle seule, elle emplissait la petite chambre de Jeannot Lapin. À la fin, elle fut obligée de passer un bras par la fenêtre, tandis que l'autre s'appuyait à la porte, et de mettre un pied dans la cheminée, tandis qu'elle ramenait l'autre sous elle. « Maintenant, » pensa Alice, « advienne que pourra. Moi, je ne peux plus bouger. » Heureusement, la fiole magique avait produit tout son effet, et la croissance désordonnée d'Alice s'en tint là. Ce n'était qu'à peine une consolation, tant la situation était critique. Alice se désola. « Ah, que je voudrais donc être à la maison auprès de mes bons parents !» gémit-elle. « Là, du moins, je n'avais pas à grandir et à rapetisser comme ça toutes les 5 minutes. C'est un exercice dont on se lasse à la fin. » « Oui, je suis désolée d'être descendue dans ce pays de lapins. Et pourtant la vie que je mène ici est bien drôle. Quand je lisais des contes de fées, je ne pouvais pas croire que c'était arrivé. Et voici qu'aujourd'hui je suis dans un vrai conte de fées. Quand je serai grande, que dis-je? Ne le suis-je pas grande à cette heure? Certes, je le suis, et il est évident que je ne serai jamais plus grande, ici en tout cas. Mais alors, du même coup, ne vieillirai-je plus? Demeurerai-je toujours l'immense petite fille que je suis aujourd'hui? Sans doute c'est un avantage de ne pas vieillir. Oui, mais si cela doit m'obliger à continuer d'apprendre des leçons, que je suis sotte! Où diable mettrais-je mes livres s'il me fallait travailler ici? Tandis que l'infortunée prisonnière passait ainsi le temps à bavarder, il se fit dehors un certain mouvement. Une voix appela. « Marianne, Marianne, donnez-moi mes gants et mon éventail tout de suite !» Et Alice, reconnaissant la voix du lapin blanc et entendant un bruit de pas dans l'escalier, fut épouvantée à l'idée qu'il allait venir voir ce qu'elle faisait. Elle trembla si fort que la fragile maisonnette en fut toute ébranlée. Elle ne réfléchissait pas, elle ne pensait pas qu'elle était à présent 100 fois plus grosse que le lapin et qu'elle n'avait plus à avoir peur de lui. Cependant, le lapin était arrivé devant la porte de sa chambre et tentait de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait à l'intérieur et que l'immense bras d'Alice s'y appuyait, il ne put en venir à bout. Alice l'entendit murmurer. « Peu importe, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. Cela ne sera peut-être pas si facile que tu ne crois, » se dit Alice. Et au moment où le lapin arrivait à hauteur de la fenêtre, elle agita sa grande main en faisant le geste effrayant de vouloir attraper quelque chose dans l'air. Elle n'attrapa rien, mais elle entendit un cri de terreur, bientôt suivi du bruit d'une chute parmi du verre qui se brisa avec fracas. D'où Alice conclut que le lapin était tombé sur ses cloches à melon ou quelque chose de semblable. Puis une voix grosse de colère s'éleva. « Patte ! Patte ! Où êtes-vous ? » À quoi une autre voix, qu'Alice n'avait pas encore entendue, répondit. « Mais je suis ici, votre honneur. Je cherche des pommes, votre honneur. »« Je cherche des pommes, » contrefit le lapin. « Vraiment, venez donc plutôt un peu par ici m'aider à me tirer de ce mauvais pas. » Après un silence, « Dites-moi donc, Pat, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, à la fenêtre ?»« Pour sûr, c'est un bras, votre honneur. »« Ça, un bras, espèce de sotte. Avez-vous jamais vu un bras de cette taille ?» « Regardez plutôt, il occupe à lui tout seul la fenêtre. »« En effet, votre honneur, il occupe toute la fenêtre, mais c'est un bras tout de même. »« Eh bien, ce bras n'a rien à faire à cette fenêtre. Allez l'enlever. »« Oh, sauf votre respect, je n'y tiens pas, votre honneur, pas du tout même. »« Faites ce que je vous dis, poltronne que vous êtes. » Comme un silence inquiétant suivait ces mots, Alice crut bon d'agiter à nouveau sa main devant la fenêtre et de réitérer son geste effrayant de tout à l'heure. Cette fois, il y eut 2 cris de terreur et un bruit de verre cassé encore plus fort. « Que de cloches à melon brisées !» pensa Alice. « Mais que vont faire mes assaillants à présent ?» Quelques minutes s'écoulèrent dans le calme. Puis Alice entendit soudain comme un bruit de roues qui grincent, de charrettes qu'on décharge, d'échelles qu'on applique au mur. Elle se dit qu'on allait l'assiéger dans les règles, d'autant que des voix nombreuses lui parvenaient qui parlaient toutes à la fois et disaient « Où est l'autre échelle? Je n'en ai apporté qu'une. Non, c'est Bill qui l'a prise. Bill, apporte ça ici, mon garçon. Bon, applique-la à cet endroit. Non, attachez-moi ça bout à bout. » Mais elles n'arriveront même pas à mi-hauteur. Oh, elles arriveront assez haut. Ne soyez pas si exigeant. Ici, Bill, empoigne-moi cette corde. Est-ce que le toit résistera? Gare les têtes. Attention, il pleut des ardoises. Ici, un grand bruit. C'est la faute de Bill. Bill va descendre dans la cheminée. Non, je ne veux pas. Si tu descendras, mon vieux. Non, je ne descendrai pas. Bill, le maître t'ordonne de descendre dans la cheminée. « Diable ! » se dit Alice, Bill va-t-il vraiment descendre dans la cheminée? Ces gens-là semblent tout mettre sur le dos de Bill. Je ne voudrais pas être à la place de ce Bill pour tout l'or du monde. Voyons, si je donnais dans cette cheminée un petit coup de pied, comme ça, en l'air. » Elle mit son pied dans la cheminée aussi avant que possible, et vlan, elle envoya un grand coup de bas en haut. Presque au même instant, elle entendit de nouveau les voix. « Ah, ah, voilà Bill qui revient !»« Hé hé, un peu plus vite qu'il n'était monté !»« Pauvre Bill, comment a-t-il pu être lancé en l'air de la sorte ?»« Tenez-lui la tête, du brandy, ne le secouez pas, ça va mieux ?»« Mon pauvre Bill, racontez-nous ce qui vous est arrivé !» Alors, une petite voix aigrelette parvint aux oreilles d'Alice, la voix de Bill, évidemment. « Ah, je ne sais rien, je vais mieux, merci, je suis trop émue pour parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré dans la cheminée quelque chose comme un diable qui sort d'une boîte et que j'ai été lancé en l'air comme une fusée. « Ça, nous l'avons bien vu, mon pauvre vieux Bill, » déclarèrent les autres. « Il faut brûler la maison de fond en comble !» prononça la voix du lapin blanc. Cette idée avait de quoi épouvanter Alice, qui se mit à crier de toutes ses forces. « Si vous allumez seulement un bout de bois, je lâche Dinah contre vous !» Cette menace et le ton formidable de la voix eurent le don de calmer les assaillants. Cependant, après quelques instants de silence, Alice remarqua de nouveau une certaine agitation. « Une brouettée suffira pour commencer, » dit la voix du lapin blanc. « Une brouettée de quoi ?» se demanda Alice. La réponse ne se fit pas attendre. Elle se présenta sous les espèces d'une grêle de petits cailloux. « Oh, oh, il faut que ce jeu finisse !» dit Alice. Et elle ajouta d'une voix terrible « Malheur à vous si vous recommencez !» Nouvelle accalmie et silence de mort. Alice remarqua alors, non sans surprise, que tous les petits cailloux en touchant le plancher étaient devenus des gâteaux. « Si je mange un de ces gâteaux, se dit-elle, il est certain qu'il se produira quelque changement dans ma taille. Et comme je ne saurais grandir davantage, je vais rapetisser, c'est évident. » Elle croqua aussitôt l'un des gâteaux et constata avec joie qu'elle rapetissait en effet. Dès que sa taille lui permit de passer par la porte, elle s'enfuit en courant, sortit de la maison et trouva dehors toute une foule de petits animaux, ses assaillants. Parmi ceux-ci, elle reconnut de suite le pauvre Bill qui était tout simplement un petit lézard vert que deux cochons d'Inde soutenaient sous les bras en lui prodiguant des soins. À peine Alice apparaissait-elle à quelques pas de la foule que tout le monde s'élança dans sa direction avec des intentions manifestement hostiles. Elle ne perdit pas la tête, avisa un bois épais non loin de là et courut à toutes jambes s'y cacher. Elle y fut bientôt en sûreté. « Voyons, se dit-elle quand elle put sortir de sa retraite et s'orienter dans le bois, la première chose que j'ai à faire est de reprendre ma taille habituelle. La seconde, de retrouver le chemin du joli jardin. Je crois que c'est le meilleur plan. » Ce plan était parfait. Malheureusement, il présentait une légère difficulté. C'est qu'Alice n'avait pas la moindre idée de la façon dont elle le réaliserait. Elle y rêvait quand un aboiement aigu sorti du feuillage d'un arbre juste au-dessus de sa tête lui fit lever précipitamment les yeux. Un petit roquet, qui lui parut gros comme un âne, la regardait de ses yeux ronds. Il avançait une patte vers Alice comme pour attraper les cheveux de la petite fille. « Pauvre chérie !» dit Alice d'une voix câline. Et elle se mit à lui parler avec des mots remplis de tendresse. Mais elle était très effrayée à l'idée que le roquet pouvait avoir faim et que, dans ce cas, il ne manquerait pas de se jeter sur elle pour la dévorer. Elle était si petite qu'un chien qui l'eût prise pour une côtelette aurait été excusable. D'un geste machinal, elle ramassa une baguette et la tendit au roquet qui sauta à terre et s'élança sur le morceau de bois. Alice vivement se mit à l'abri derrière un grand chardon. Le chien voulut l'y suivre et fit un bond de côté, puis un en avant, mais avec une telle précipitation qu'il roula sur le dos les quatre pattes en l'air. Puis il se releva, se dressa sur ses pattes de derrière, sauta encore, bondit de nouveau, fit mille singeries qui donnèrent à penser à Alice qu'il se croyait sous le nez d'un cheval en marche et cherchait à jouer innocemment. Alice avait une peur affreuse, étant donné sa taille minuscule, que le roquet, en sautant de la sorte, ne s'en vînt retomber sur elle et ne l'écrasa du coup. Elle se fit plus petite encore derrière le chardon et recula, tournant tout autour de son refuge au fur et à mesure que le roquet approchait. L'étrange bête exécuta de véritables charges contre la baguette, objet de ses convoitises. Mais, chose bien extraordinaire, pour deux bonds qu'il faisait en avant, il lui arrivait régulièrement d'en faire trois en arrière. Tant et si bien qu'il s'éloigna plutôt qu'il ne se rapprocha, jusqu'à ce que, n'en pouvant plus, à bout de force, haletant et la langue pendante, il finit par s'asseoir sur son derrière, à bonne distance d'Alice. L'occasion parut favorable à celle-ci de s'enfuir. Elle sortit de son refuge et s'éloigna, d'abord doucement et avec mille précautions, puis en prenant ses jambes à son cou. Quand elle eut ainsi couru quelques bonnes minutes, elle s'arrêta sous une renoncule, s'adossa à la tige et s'éventa avec l'une des feuilles. Elle pensa « Au fond, ce petit chien était tout plein gentil. J'aurais aimé lui apprendre des tours, car il avait des dispositions. Ah, si seulement j'avais la taille de tout le monde !» Il y avait, non loin de la renoncule où elle s'abritait, un fort beau champignon dont elle eut la curiosité de s'approcher. Elle en considéra longuement le tour et le dessous. Elle voulut aussi voir comment était fait le dessus, et se dressant sur ses orteils, allongeant le cou, elle regarda. Elle découvrit alors, sur la surface bombée et lisse du champignon, une grosse chenille bleutée qui, les bras croisés et paraissant se soucier fort peu des choses de ce monde, fumait avec sérénité un somptueux narguilé turc.